Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La santé, ce n'est qu'un mot. Un mot qu'il n'y aurait aucun problème à rayer du vocabulaire, comme chacun sait. Tomber malade, vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle, comme chacun sait. Du reste, les malades, ce sont des gens qui suivent un traitement, voilà tout. Avant, les gens n'avaient pas le goût de se soigner, comme chacun sait. Comme chacun sait pour avoir assisté à une représentation théâtrale ou avoir vu au cinéma l'une des versions avec Louis Jouvet de Knock, bien sûr. Cinéma, théâtre, la médecine le mérite. Il y eut aussi une belle version radiophonique avec un Serge Reggiani parfait en Docteur Knock. C'était le 4 décembre 1955 sur la chaîne parisienne. Vous avez envie de guérir, ça sera très long et très coûteux. On ne guérit pas en 5 minutes un mal que l'on traîne depuis 40 ans. La radiodiffusion télévision française présente Knock ou le triomphe de la médecine, comédie en 3 actes de Jules Romain de l'Académie française, avec Serge Reggiani, Berthe Bovy, Marguerite Pierry, Raoul Marco et Séverine, Pierre Stéphane, Jacques Dufilot, Yves Gladine, Christian Allers, Jean Mauvais, Pierre Garin, Perceval, Anne Emery, Jacqueline Moresco, Floriane Prévost et Charles Dechamps. Réalisation Yves Dariet. L'action se passe à l'intérieur ou autour d'une automobile très ancienne, type 1900-1902. Carrosserie énorme, double phaéton arrangé sur le tard en simili-torpedo grâce à des tôles rapportées, cuivre volumineux, petit capot en forme de chaufferette. On part des abords d'une petite gare pour s'élever ensuite le long d'une route de montagne. Tous vos bagages sont là, mon cher confrère? Tous, docteur Parpalais. Jean les casera près de lui. Nous tiendrons très bien tous les trois à l'arrière de la voiture. La carrosserie est si spacieuse, les strapontins si confortables. Ah, ce n'est pas la construction étriquée de maintenant. Je vous recommande cette caisse. J'y ai logé quelques appareils qui sont fragiles. Voilà une torpedo que je regretterais longtemps si nous faisions la sottise de la vendre. Car c'est en somme une torpedo avec les avantages de l'ancien double phaéton. Oui, oui. Ah, voyez comme vos valises se logent facilement. Jean ne sera pas gêné du tout. Il est même dommage que vous n'en ayez pas plus. Vous seriez mieux rendu compte des commodités de ma voiture. Saint-Maurice est loin. 11 kilomètres. Notez que cette distance de chemin de fer est excellente pour la fidélité de la clientèle. Les malades ne vous jouent pas le tour d'aller consulter au chef-lieu. Il n'y a donc pas de diligence? Bon, une gabarde si lamentable qu'elle donne envie de faire le chemin à pied. Ici, l'on ne peut guère se passer d'automobile. Surtout dans la profession. Je mets en marche, monsieur? Oui, commencez à mettre en marche, mon ami. Sur le parcours, le paysage est délicieux. Zénaïde Fleuriot l'a décrit dans un de ses plus beaux romans, dont j'ai oublié le titre. Oui. Tu prends le strapontin, n'est-ce pas? Oui. Le docteur Knock se placera près de moi pour bien jouir de la vue. La carrosserie est assez vaste pour que 3 personnes se sentent à l'aise sur la banquette derrière. Mais il faut pouvoir s'étaler lorsqu'on contemple un panorama. Ah, tout va bien, Jean? L'injection d'essence est terminée dans les 2 cylindres. Avez-vous pensé à essuyer un peu les bougies? C'eût été prudent après une étape de 11 kilomètres. Enveloppez bien le carburateur. Hein, un vieux foulard vaudrait mieux que ce chiffon. Là, parfait. Allez. Ah, je m'assois. Pardon, mon cher confrère, pardon. Voilà. Je m'assois sur ce large strapontin qui est plutôt un fauteuil pliant. La route ne cesse de s'élever jusqu'à Saint-Maurice. À pied, avec tous ces bagages, le trajet serait terrible. En auto, c'est un enchantement. Jadis, mon cher confrère, il m'arrivait de taquiner la muse. J'avais composé un sonnet de 14 vers sur les magnificences naturelles qui vont s'offrir à nous. Du diable, si je me le rappelle encore. Profondeur des vallons, retraite pastorale. Albert, depuis quelques années, tu t'obstines à dire profondeur.

Et nous sommes au début d'octobre. Oui. Ouais. Vous, au moins, vous avez su choisir votre moment pour vendre. Mais voyons, si quelqu'un vient vous trouver pour une simple consultation, il vous paye bien séance tenante. Non, non. À la Saint-Michel, c'est l'usage. Mais s'il ne vient que pour une consultation seule et unique, et si vous ne le revoyez plus toute l'année? À la Saint-Michel. À la Saint-Michel. Ah. D'ailleurs, les gens viennent presque toujours pour une seule consultation. Hein? Mais oui. Mais alors, qu'est-ce que vous faites des clients réguliers? Quels clients réguliers? Eh bien, ceux qu'on visite plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Tu entends ce que dit le docteur? Oui. Des clients comme on a le boulanger ou le boucher? Ben, le docteur est comme tous les débutants. Il se fait des illusions. Croyez-moi, mon cher confrère, vous avez ici le meilleur type de clientèle, celle qui vous laisse indépendant. Indépendant? Vous en avez de bonnes? Non, mais je m'explique. Je veux dire que vous n'êtes pas à la merci de quelques clients susceptibles de guérir d'un jour à l'autre et dont la perte fait chavirer votre budget. Dépendant de tous, vous ne dépendez de personne. Voilà. En d'autres termes, j'aurais dû apporter une provision d'asticots et une canne à pêche. Mais peut-être trouve-t-on ça là-haut. Bon, la situation commence à devenir limpide. Mon cher confrère, vous m'avez cédé pour quelques billets de mille que je vous dois encore... une clientèle de tous points assimilable à cette voiture, dont on peut dire qu'à 19 francs, elle ne serait pas chère, mais qu'à 25, elle est au-dessus de son prix. Et tenez, comme j'aime à faire les choses largement, je vous en donne 30. Oh, 30 francs? 30 francs de ma torpedo? Mais je ne la lâcherai pas pour 6 000. Je m'y attendais, je ne pourrais donc pas acheter cette voiture. Si au moins vous me faisiez une offre sérieuse. C'est dommage, je pensais la transformer en bahut breton. Quant à votre clientèle, j'y renoncerai avec la même absence d'amertume s'il en était temps encore. Non, mais laissez-moi vous dire, mon cher confrère, que vous êtes victime d'une fausse impression. Moi, je croirais volontiers que c'est plutôt de vous que je suis victime. Oh. Enfin, je n'ai pas coutume de geindre, et quand je suis roulé, je ne m'en prends qu'à moi. Roulé? Proteste, mon ami, proteste! Non, mais non, je voudrais surtout détromper le docteur Knock. Pour vos échéances, elles ont le tort d'être trimestrielles dans un climat où le client est annuel. Il faudra corriger ça. De toute façon, ne vous tourmentez pas à mon propos. Je déteste avoir des dettes. Mais c'est en somme beaucoup moins douloureux qu'un lombago, par exemple, ou qu'un simple furoncle à la fesse. Comment? Vous ne voulez pas nous payer? Aux dates convenues? Je brûle de vous payer, madame. Je n'ai aucune autorité sur l'almanach. Et il est au-dessus de mes forces de faire changer de place la Saint-Glinglin. La Saint-Michel. La Saint-Michel. Mais vous avez bien des réserves. Aucune. Je vis de mon travail. Ou plutôt, j'ai hâte d'en vivre. Et je déplore d'autant plus le caractère mythique de la clientèle que vous me vendez que je comptais lui appliquer des méthodes entièrement neuves. Ah. Il est vrai que le problème ne fait que changer d'aspect. En ce cas, mon cher confrère, vous seriez deux fois coupable de vous abandonner à un découragement prématuré qui n'est que la rançon de votre inexpérience. Certes, la médecine est un riche tiroir, mais les moissons n'y lèvent pas toutes seules. Vos rêves de jeunesse vous ont un peu leurré. Votre propos, mon cher confrère, fourmille d'inexactitude. D'abord, j'ai 40 ans. Mes rêves, si j'en ai, ne sont pas des rêves de jeunesse. Soit, mais vous n'avez jamais exercé. Autre erreur. Comment? Ne m'avez-vous pas dit que vous veniez de passer votre thèse l'été dernier? Oui, 32 pages in octavo sur les prétendus états de santé, avec cette épigraphe que j'ai attribuée à Claude Bernard. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Nous sommes d'accord, mon cher confrère. Sur le fond de ma théorie? Non, sur le fait que vous êtes un débutant. Pardon, mes études sont en effet toutes récentes, mais mon début dans la pratique de la médecine date de 20 ans. Quoi? Vous étiez officier de santé? Mais depuis le temps qu'il n'en reste plus. Non, j'étais bachelier. Il n'y a jamais eu de bachelier de santé? Bachelier S lettres, madame. Vous avez donc pratiqué sans titre et clandestinement? À la face du monde, au contraire. Et non pas dans un trou de province, mais sur un espace d'environ 7000 kilomètres. Mais je ne vous comprends pas. C'est pourtant simple. Il y a une vingtaine d'années, ayant dû renoncer à l'étude des langues romanes, j'étais vendeur aux Dames de France de Marseille, rayon des cravates. Je perds mon emploi. En me promenant sur le port, je vois annoncer qu'un vapeur de 1700 tonnes à destination des Indes demande un médecin, le grade de docteur n'étant pas exigé. Qu'auriez-vous fait à ma place? Mais rien, sans doute. Oui, vous n'aviez pas la vocation. Moi, je me suis présenté. Comme j'ai horreur des situations fausses, j'ai déclaré en entrant, messieurs, je pourrais vous dire que je suis docteur, mais je ne suis pas docteur. Et je vous avouerai même quelque chose de plus grave. Je ne sais pas encore quel sera mon sujet de thèse. Ils me répondent qu'ils ne tiennent pas au titre de docteur et qu'ils se fichent complètement de mon sujet de thèse. Je réplique aussitôt, bien que n'étant pas docteur, je désire,

Les commerçants sont-ils très absorbés par leurs affaires? Oh, ma foi, non, non. Pour la plupart, ce n'est qu'un supplément de revenus et surtout une façon d'utiliser les loisirs. D'ailleurs, pendant que la femme garde la boutique, le mari se promène. Ou réciproquement. Ah, tu avoueras que c'est plutôt le mari. D'abord, les femmes ne sauraient guère où aller. Tandis que pour les hommes, il y a la chasse, la pêche, les parties de quilles. En hiver, le café. Oui, les femmes sont-elles très pieuses? Là, la question, pour moi, a son importance. Oui. Beaucoup vont à la messe. Mais Dieu tient-il une place considérable dans leurs pensées quotidiennes? Oh, quelle idée! Parfait! Il n'y a pas de grand vice. Que voulez-vous dire? Opium, cocaïne, messe noire, sodomie, conviction politique... Oh, non, mais vous mélangez des choses si différentes! Je n'ai jamais entendu parler d'opium ni de messe noire. Quant à la politique, bon, on s'y intéresse comme partout. Oui, mais en connaissez-vous qui ferait retirer la plante des pieds de leur père et mère en faveur du scrutin de liste ou de l'impôt sur le revenu? Oh, Dieu merci, ils n'en sont pas là. Et l'adultère? Quoi donc? A-t-il pris là-haut un développement exceptionnel? Est-il l'objet d'une activité intense? Ah non, mais vos questions sont extraordinaires. Il doit y avoir, comme ailleurs, des maris trompés, mais enfin, sans excès. D'abord, c'est très difficile. Les gens vous surveillent tellement. Bon. Vous ne voyez rien d'autre à me signaler? Bon. Par exemple, dans l'ordre des sectes, des superstitions, des sociétés secrètes. À un moment, plusieurs de ces dames ont fait du spiritisme. Ah, ah, ah. L'on se réunissait chez la notairesse et l'on faisait parler le guéridon. Mauvais, mauvais, détestable. Mais je crois qu'elles ont cessé. Ah, tant mieux. Et pas de sorcier non plus, pas de thaumaturge. Oh. Quelques vieux bergers sentant le bouc qui guérit par l'imposition des mains. Autrefois, peut-être, mais plus maintenant. Ah. En somme, l'âge médical peut commencer. Mon cher confrère, serait-il inhumain de demander à ce véhicule un nouvel effort? J'ai une hâte incroyable d'être à Saint-Maurice. Cela vous vient bien brusquement. Je vous en prie, arrivons là-haut. Qu'est-ce donc de si puissant qui vous y attire? Mon cher confrère, j'ai le sentiment que vous avez gâché là-haut une situation magnifique. Et pour parler votre style, fait laborieusement pousser des chardons là où voulait croître un verger plantureux. C'est couvert d'or que vous en deviez repartir, les fesses calées sur un matelas d'obligation. Vous, madame, avec trois rangs de perles au cou. Tous deux à l'intérieur d'une étincelante limousine. Et non point sur ce monument des premiers efforts du génie moderne. Vous plaisantez, docteur? La plaisanterie serait cruelle, madame. Mais alors, c'est affreux! Tu entends, Albert? J'entends que le docteur Knock est un chimérique et de plus un cyclotimique. Il est le jouet d'impressions extrêmes. Tantôt, le poste ne valait pas deux sous, maintenant, c'est un pactole. Toi aussi, tu es trop sûr de toi. Ne t'ai-je pas souvent dit qu'à Saint-Maurice, en sachant s'y prendre, on pouvait mieux faire que végéter? Bon. Je reviendrai dans 3 mois pour la première échéance. Nous verrons où en est le docteur Knock. C'est cela, revenez dans 3 mois. Nous aurons le temps de causer. Mais je vous en supplie, partons tout de suite. Jean, vous êtes prêt? Oh, moi, je serai bien prêt. Mais cette fois-ci, je ne crois pas que nous arriverons tout seuls à la mettre en marche. Comment cela? Ah, il faudrait des hommes plus forts. Et si on essayait de la pousser? Peut-être. Mais oui, voyons, il y a 20 mètres en plaine. Je prendrai le volant, vous pousserez. Oui. Et ensuite, vous tâcherez de sauter sur le marchepied au bon moment, n'est-ce pas? Oui. Donc, en voiture, mon cher confrère, en voiture. C'est moi qui vais conduire. Jean, qui est un Hercule, veut s'amuser à nous mettre en marche sans le secours de la manivelle, par une espèce de démarrage qu'on pourrait appeler automatique. Bien que l'énergie électrique y soit remplacée par celle des muscles, qui est un peu de même nature, il est vrai. Nous sommes dans l'ancien domicile de M. Parpalais. L'installation du docteur Knock donne l'impression du provisoire. Une table, quelques sièges, armoire bibliothèque, chaise longue, tableau noir, lavabo, quelques figures anatomiques et histologiques au mur. Oui. Là. Ah. C'est vous, le tambour de ville? Oui, monsieur. Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui, docteur, ou non, docteur. Oui, docteur. Et quand vous avez l'occasion de parler de moi, au dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait. J'y attache de l'importance. Quand vous parliez entre vous du docteur Parpalais, de quel terme vous serviez-vous? Nous disions, c'est un brave homme, mais il n'a pas bien fort.

Prévenez les nouveaux arrivants qu'après 11h30, je ne puis plus recevoir personne. Au moins en consultation gratuite. C'est vous qui êtes la première, madame. Entrez, je vous prie. Ah. Vous êtes bien du canton ? Ah, je suis de la commune. Hein, de Saint-Maurice même ? J'habite la grande ferme qui est sur la route de Luchère. Elle vous appartient ? Oui, à moi et à mon mari. Si vous l'exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail. Oh, pensez, monsieur. 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, la jument, une poulain, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse-cour. Diable, vous n'avez pas de domestique ? Oh, dame, si. 3 valets, une servante et les journaliers dans la belle saison. Je vous plains. Il ne doit guère vous rester de temps pour vous soigner. Oh non. Hein? Et pourtant, vous souffrez. Ce n'est pas le mot. J'ai plutôt de la fatigue. Oui, vous appelez cela de la fatigue. Tirez la langue. Ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Non. Vous êtes constipé. Oui, assez. Baissez la tête. Respirez. Toussez. Respirez. Toussez. Vous n'êtes jamais tombée d'une échelle étant petite. Me souviens pas. Vous n'avez jamais mal ici le soir, en vous couchant ? Là, une espèce de courbature. Oui, des fois. Allez, essayez de vous rappeler. Ce devait être une grande échelle. Ah ben, ça se peut bien. C'était une échelle d'environ 3,50 m, posée contre un mur. Vous êtes tombé à la renverse. C'est la fesse gauche, heureusement, qui a porté. Ah oui. Vous avez déjà consulté le docteur Parpalais ? Ah non, jamais. Pourquoi ? Il ne donnait pas de consultation gratuite. C'est vous. Merci, docteur. Voilà. Vous vous rendez compte de votre état ? Non. Tant mieux. Vous avez envie de guérir ou vous n'en avez pas envie ? J'ai envie. J'aime mieux vous prévenir tout de suite que ce sera très long et très coûteux. Ah, mon Dieu. Et pourquoi ça ? Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes un mal qu'on traîne depuis 40 ans. Depuis 40 ans ? Oui. Depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Ah. Oh. Et combien est-ce que ça me coûterait ? Voyons. Qu'est-ce que valent les veaux actuellement ? Ah ben, ça dépend des marchés et de la grosseur. Mais on ne peut guère en avoir de propre à moins de 400 ou 500 francs. Et les cochons gras ? Oh, il y en a qui font plus de 1000. Eh bien, ça vous coûtera à peu près 2 cochons et 2 veaux. Oh là là ! Près de 3000 francs ? Ah, c'est une désolation, Jésus-Marie. Si vous aimez mieux faire un pèlerinage, je ne vous en empêche pas. Oh, un pèlerinage, ça revient cher aussi. Et ça réussit pas souvent. Qu'est-ce que je peux donc avoir de si terrible que ça ? Je vais vous l'expliquer en une minute au tableau noir. Ah. Parle. Voici votre moelle épinière, en coupe. Ouais. Très schématiquement, n'est-ce pas ? Ouais. Vous reconnaissez ici votre faisceau de Turc. Ouais. Et ici, votre colonne de Clark. Ouais. Vous me suivez ? Ouais. Eh bien, quand vous êtes tombé de l'échelle, votre Turc et votre Clark ont glissé en sens inverse de quelques dixièmes de millimètre. Ah. Vous me direz que c'est très peu, évidemment, ouais. Mais c'est très mal placé. Et puis, vous avez ici un tiraillement continu qui s'exerce sur les multipolaires. Mon Dieu, mon Dieu. Remarquez que vous ne mourrez pas du jour au lendemain, vous pouvez attendre. Voilà. Eh bien, j'ai bien du malheur de tomber de cette échelle. Je me demande même s'il ne vaut pas mieux laisser les choses comme elles sont. Ah. Eh oui, l'argent est si dur à gagner. Tandis que les années de vieillesse, on en a toujours bien assez. Pour le plaisir qu'elles donnent. Ouais. Mais en faisant ça plus grossièrement, vous ne pourriez pas me guérir à moins cher, à condition que ça soit bien fait tout de même. Ce que je puis vous proposer, c'est de vous mettre en observation. Ouais. Cela ne vous coûtera presque rien. Au bout de quelques jours, vous vous rendrez compte par vous-même de la tournure que prendra le mal, et vous vous déciderez. Oui, oui, c'est ça. Bien. Alors, vous allez rentrer chez vous. Vous êtes venu en voiture ? Ah non, à pied. Ah, il faudra trouver une voiture. Ah. Vous vous coucherez en arrivant. Une chambre où vous serez seul, autant que possible.

Quelle est la première personne? Lequel de vous deux? Tous les deux. Vous n'allez pas passer ensemble? Je ne puis pas vous recevoir tous les deux à la fois, choisissez. D'abord, il me semble que je ne vous ai pas vu tantôt. Il y a des gens avant vous. Ah, mais ils nous ont cédé leur tour. Demandez-le. Alors, nous deux, on va toujours ensemble et on fait la paire. Va, entrez. Pardon. Déshabillez-vous. Non, vous. Vous, asseyez-vous là. Bon, monsieur le docteur. Alors, déshabillez-vous. Faut-il que je me mette tout nu? Enlevez encore votre chemise. Et bon, voilà. Là, ça suffit. Approchez. Voilà. Approchez. Tournez-vous. Respirez. Par la bouche. Par la bouche. Par la bouche. Plus fort. Encore. Bon, toussez. Bien. Toussez. Ben, tousse quoi, le docteur tout le monde. Mais quoi donc, toi? Ouais, mais toussez. Toussez, franchement. Ouais. Bon. Pardon. Ouais. Montrez-moi votre langue. Ma langue? Votre langue. Hein? Là. Bravo. Bon, étendez-vous là-dessus. Là-dessus? Allô? Pardon. Là. Voilà. Vous ramenez les genoux. Voilà. Que je... Moi, ce ventre-là... Allongez le bras. Allongez le bras. Lequel? Le bras. Celui-là. Tiens, le bien. Bon, rhabillez-vous. Voilà. Vous avez encore votre père? Ah non, non, il est mort. De mort subite? Oui. C'est ça. Il ne devait pas être vieux. Non, 49 ans. Si vieux que ça. Je vais vous montrer dans quel état sont vos principaux organes. Voyez sur ce tableau, là, les reins d'un homme ordinaire. Voici les vôtres. Voici votre foie. Voici votre cœur. Mais chez vous, le cœur est déjà plus abîmé qu'on ne l'a représenté là-dessus. Là. Il faudrait peut-être que je cesse de boire. Vous ferez comme vous voudrez. Est-ce qu'il y a des remèdes à prendre? Ce n'est guère la peine. À vous maintenant. Moi, monsieur le docteur. Si vous voulez, monsieur le docteur, je reviendrai à une consultation payante. C'est tout à fait inutile. Moi, j'ai rien, moi, monsieur le docteur. Qu'est-ce que vous en savez? Mais je me porte bien, monsieur le docteur. Moi. Alors pourquoi êtes-vous venu? Pour accompagner mon camarade. Il n'était pas assez grand pour venir tout seul? Allons, déshabillez-vous. Mais non, monsieur le docteur, non, pas aujourd'hui. Non, je reviendrai, monsieur le docteur. Nous sommes dans la grande salle de l'hôtel de la Clé. On y sent l'hôtel de chef-lieu de canton en train de tourner au Medical Hotel. Les calendriers de Licorice y subsistent, mais les nickels, les ripolins et les linges blancs de la sepsie moderne y apparaissent. Scipion, la voiture est arrivée? Oui, madame. Tiens, on disait que la route était coupée par la neige. Bon, 15 minutes de retard. À qui sont ces bagages? À une dame de Livron qui vient consulter. Nous ne l'attendions que pour ce soir. Erreur, la dame de ce soir vient de Saint-Marcelin. Et cette valise? À Ravachol. Comment? Monsieur Parpalais est ici? À 50 mètres derrière moi. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Ah, pour prendre sa place, bien sûr. Consulter, probable. Mais il n'y a que le 9 et le 14 de disponibles. Alors je garde le 9 pour la dame de Saint-Marcelin et je mets la dame de Livron au 14. Mais pourquoi n'avez-vous pas dit à Ravachol qu'il ne restait rien? Mais il restait le 14. J'avais pas d'instruction pour choisir entre la dame de Livron et Ravachol. Oh, je suis très ennuyé. Vous tâcherez de vous débrouiller, moi, faut que je m'occupe de mes malades. Mais pas du tout, Scipion. Attendez, monsieur Parpalais, expliquez-lui qu'il n'y a plus de chambre. Je peux pas lui dire ça moi-même. Ah, désolé, patronne, j'ai juste le temps de passer ma blouse. Le docteur Knock sera là dans quelques instants. Non, mais j'ai à recueillir les urines du 5 et du 8, les crachats du 2, la température du 1, du 3, du 4, du 12, du 17, du 18 et le reste. J'ai pas envie de me faire engueuler. Mais vous ne montez même pas les bagages de cette dame? Et la bonne, elle enfile des perles? Ben, y a personne? Madame Rémy! Scipion! Ah, ben c'est curieux. Ah, voilà toujours ma valise. Scipion ! Monsieur ? Vous demandez ? Je voudrais bien voir la patronne. Pourquoi, monsieur ? Pour qu'elle m'indique ma chambre. Je ne sais pas, moi. Vous êtes un des malades annoncés ? Mais je ne suis pas un malade, mademoiselle, je suis un médecin. Ah, oh, vous venez assister le docteur ? Le fait est qu'il en aurait besoin. Mais mademoiselle, vous ne me connaissez pas ? Non, pas du tout. Le docteur Parpalais ! Il y a 3 mois encore, j'étais médecin de Saint-Maurice. Sans doute n'êtes-vous pas du pays. Si, si ! Mais je ne savais pas qu'il y avait eu un médecin ici avant le docteur Knock. Hein? Vous m'excuserez, monsieur. La patronne va sûrement venir. Il faut que je termine la stérilisation de mes têtes d'oreiller. Cet hôtel a pris une physionomie singulière. Tiens. Bonjour, monsieur Parpalais. Vous venez pas pour loger, au moins? Mais si. Comment allez-vous, madame Rémy? Oh, ben nous voilà bien. Mais j'ai plus de chambre. C'est ton jour de foire, aujourd'hui. Ah non, un jour ordinaire. Et toutes vos chambres sont occupées un jour ordinaire? Mais qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? Des malades. Des malades? Bah oui, des gens qui suivent un traitement. Mais pourquoi logent-ils chez vous? Parce qu'il n'y a pas d'autre hôtel à Saint-Maurice. Mais d'ailleurs, ils n'y sont pas si à plaindre que ça, chez nous, en attendant notre nouvelle installation. Ils reçoivent tous les soins sur place et toutes les règles de l'hygiène moderne sont observées. Mais d'où sortent-ils ? Les malades ? Oui. Oh ! Puis quelque temps, il en vient un peu partout. Au début, c'était des gens de passage. Je ne comprends pas. Ah oui, des voyageurs qui se trouvaient à Saint-Maurice pour leurs affaires. Ils entendaient parler du docteur Knock dans le pays et à tout hasard, ils allaient le consulter. Ah oui ? Évidemment, sans bien se rendre compte de leur état. Mais ils avaient le pressentiment de quelque chose. Et si leur bonne chance ne les avait pas conduits à Saint-Maurice, plus d'un serait mort à l'heure qu'il est. Mais pourquoi serait-il mort? Comme ils ne se doutaient de rien, ils auraient continué à boire, à manger, à faire cent autres imprudences. Et tous ces gens-là sont restés ici? Oui. En revenant de chez le docteur Knock, ils se dépêchaient de se mettre au lit, ils commençaient à suivre le traitement. Ah oui? Aujourd'hui, c'est déjà plus pareil. Les personnes que nous recevons ont entrepris le voyage exprès. Tellement l'ennui, c'est que nous manquons de place. Enfin, nous allons faire construire. C'est extraordinaire. Oui, en effet, ça doit vous sembler extraordinaire à vous. Oui. Ah, s'il fallait que vous meniez la vie du docteur Knock, je crois que vous créeriez grâce. Et quelle vie mène-t-il donc? Mais une vie de forçat. Dès qu'il est levé, c'est pour courir à ses visites. À 10 heures, il passe à l'hôtel. Mais vous le verrez dans 5 minutes. Oui. Et puis les consultations chez lui. Et les visites, de nouveau, jusqu'au bout du canton. Oh, je sais bien, il a son automobile, une belle voiture neuve qui conduit à fond de train. Ah. Mais je suis sûr qu'il lui arrive plus d'une fois de déjeuner d'un sandwich. C'est exactement mon cas à Lyon. Ah. Ici, pourtant, hein, vous saviez si vous faire une petite vie tranquille. Oh, vous vous rappelez vos parties de billard dans l'estaminet? Oui, il faut croire que de mon temps, les gens se portaient mieux. Ah, ne dites pas cela, monsieur Parpalais. Les gens n'avaient pas l'idée de se soigner, c'est tout différent. Il y en a qui s'imaginent que dans nos campagnes, nous sommes encore des sauvages, que nous n'avons aucun souci de notre personne, que nous attendons que notre heure soit venue de crever comme les animaux, et que les remèdes, les régimes, les appareils et tous les progrès, c'est pour les grandes villes. Erreur, monsieur Parpalais. Mais... Nous nous apprécions autant que quiconque. Et bien qu'on n'aime pas à gaspiller son argent, on n'hésite pas à se payer le nécessaire. Mais vous, monsieur Parpalais, vous en êtes aux paysans d'autrefois, qui coupaient les sous en 4, et qui auraient mieux aimé perdre un œil et une jambe que d'acheter 3 francs de médicaments. Les choses ont changé, Dieu merci. Enfin, si les gens en ont assez d'être bien portants et s'ils veulent s'offrir le luxe d'être malades, ils auraient tort de se gêner. C'est d'ailleurs tout bénéfice pour le médecin. Ah, en tout cas, personne ne vous laissera dire que le docteur Knock est intéressé. C'est lui qui a créé les consultations gratuites. Gratuites ? Oui, que nous n'avions jamais connues jusqu'ici. Pour les visites, il fait payer les personnes qui en ont les moyens. Avouez qu'autrement, ce serait malheureux. Oui. Mais il n'accepte rien des indigents. On le voit traverser tout le canton, dépenser 10 francs d'essence et s'arrêter avec sa belle voiture devant l'accueil d'une pauvre vieille qui a même pas un fromage de chèvre à lui donner. Puis, faut pas insinuer non plus qu'il découvre des maladies aux gens qui n'en ont pas. Oh non. Tenez-moi, la première. Je me suis peut-être fait examiner 10 fois depuis qu'il vient quotidiennement à l'hôtel. Chaque fois, il s'y est prêté avec la même patience, m'auscultant des pieds à la tête avec tous ses instruments, y perdant un bon quart d'heure. Il m'a toujours dit que j'avais rien, que je ne devais pas me tourmenter, que j'avais qu'à bien manger et à bien boire. Ah, bon, bon. Et pas question de lui faire accepter un centime. La même chose pour M. Bernard, l'instituteur. Hein? Il s'était mis dans la tête qu'il était porteur de germes et qu'il n'en vivait plus. Pour le rassurer, le docteur Knock a été jusqu'à lui analyser 3 fois ses excréments. Non. Et d'ailleurs, voilà M. Mousquet qui vient faire une prise de sang au 15 avec le docteur. Vous pourrez causer ensemble. Donnez-moi tout de même votre valise. Je vais essayer de vous trouver un coin. Merci. Le docteur n'est pas encore là ? Ah, le docteur Parpalais. Un revenant, ma foi. Il y a si longtemps que vous nous aviez quittés. Si longtemps ? Mais non, 3 mois. C'est vrai, 3 mois. Ah, cela me semble prodigieux. Et vous êtes content à Lyon ? Très content. Ah, tant mieux, tant mieux. Vous aviez peut-être là-bas une clientèle toute faite. Bon, je l'ai déjà accru d'un tiers. La santé de Madame Mousquet est bonne ? Oh, bien meilleure. Aurait-elle été souffrante ? Mais vous ne vous rappelez pas ces migraines dont elle se plaignait souvent ? D'ailleurs, vous n'y aviez pas attaché d'importance. Le docteur Knock, lui, a diagnostiqué aussitôt une insuffisance des sécrétions ovariennes et prescrit un traitement opothérapique qui a fait merveille. Ah ! Elle ne souffre plus ? De ses anciennes migraines ? Non, plus du tout. Non, les lourdeurs de tête qui lui arrivent encore d'éprouver proviennent uniquement du surmenage, et non rien que de naturel. Car nous sommes terriblement surmenés. Oui, d'ailleurs, je vais prendre un élève. Vous n'avez personne de sérieux à me recommander ? Non. Non, mais j'y penserai. Ah, oh, ça n'est plus la petite existence calme d'autrefois. Si je vous disais que même en me couchant à 11h30 du soir, je n'ai pas toujours terminé l'exécution de mes ordonnances. Bref, le Pérou. Bon, il est certain que j'ai quintuplé mon chiffre d'affaires. Et je suis loin de le déplorer. Mais il y a d'autres satisfactions que celle-là. Moi, mon cher docteur Parpalais, j'aime mon métier et j'aime à me sentir utile. Oui, oui. Je trouve plus de plaisir à tirer le collier qu'à ronger mon frein. Simple question de tempérament. Ah, et voici le docteur Knapp. Messieurs, bonjour docteur Parpalais, je pensais à vous. Vous avez fait bon voyage ? Excellent. Vous êtes venu avec votre auto ? Non, non, non, par le train. Ah bon ? Il s'agit de l'échéance, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que je profiterai de l'occasion. Je vous laisse, messieurs. Docteur Knock, je monte au 15. Vous ne m'accuserez plus maintenant de vous avoir roulé. L'intention y était bien, mon cher confrère. Vous ne nierez pas que je vous ai cédé le poste, et le poste valait quelque chose. Oh, vous auriez pu rester. Nous serions à peine gênés l'un l'autre. Monsieur Mousquet vous a parlé de nos premiers résultats. Oui, oui, on m'en a parlé. À titre tout à fait confidentiel, je puis vous communiquer quelques-uns de mes graphiques. Vous les rattacherez sans peine à notre conversation d'il y a 3 mois. Les consultations, d'abord. Cette courbe exprime les chiffres hebdomadaires. Ah. Oui, nous partons de votre chiffre à vous, que j'ignorais, mais que j'ai fixé approximativement à 5. 5 consultations par semaine ? Oh, oh. Dites le double, hardiment, mon cher confrère. Soit. Voici mes chiffres à moi. Bien entendu, je ne compte pas les consultations gratuites du lundi. Mi-octobre, 37. Fin octobre, 90. Fin novembre, 128. Fin décembre, je n'ai pas encore fait le relevé, mais nous dépassons 150. Non. D'ailleurs, faute de temps, je dois désormais sacrifier la courbe des consultations à celle des traitements. Par elle-même, la consultation ne m'intéresse qu'à demi. C'est un art un peu rudimentaire. Une sorte de pêche au filet. Mais le traitement, c'est de la pisciculture. Non, pardonnez-moi, mon cher confrère. Vos chiffres sont rigoureusement exacts. Rigoureusement. En une semaine, il a pu se trouver dans le canton de Saint-Maurice 150 personnes qui se soient dérangées de chez elles pour venir faire queue en payant à la porte du médecin. Ouais.